Bonsoir, bonsoir. 31 juillet 2024, il est 20h sur Radio Campus 106,6. C'est le numéro 348 au depuis Hongyang City Rockers et qui commence. Équipe réduite, ça plus l'expression, une seule personne ce soir, Mézig Stéphane, qui est là pour vous accompagner jusqu'à 21h avec un peu de musique et puis un petit peu de baratin aussi. On va commencer avec les Marseillais de Dirties, c'est deux circonstances, Lonesome Dance. Allez, c'est le plein milieu de l'été. Normalement, il n'y a personne sur la cité scientifique. Donc, pour accéder à Radio Campus, normalement, aucun problème. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, vu que c'est Jeux Olympiques, il y a du monde partout. C'est un véritable bordel. Il a fallu quand même se frayer un chemin à coups de bottes au milieu des véritables sportifs du dimanche qui prennent tout d'assaut. C'est pas grave. Et puis, quand c'est le milieu de l'été, en général, il n'y a pas beaucoup de concerts. J'ai quand même essayer de vous faire un petit bloc concert et tout ce qui va se passer d'ici une semaine. Il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. On commence demain à Courtrai au Pit sur Nasty Rumors. Ils viennent de Berne en Suisse, ils font du punk 77. Ils seront accompagnés de Mitraille, les Anversois, là, qui font du garage punk, allez punk quoi. Ça sera à partir de 18h30 apparemment. Sinon, aussi demain jeudi 1er août au Rock Reel, marché donc au pont à côté de Charleroi, il y aura Dion Lunadon, je sais pas comment ça se prononce ce nom à la con, enfin bref, Dion Lunadon quoi, il fait du punk cru et direct, c'est un néo-zélandais qui habite à New York, il sera avec Youf qui font du noise hardcore, eux viennent de Bruxelles, et puis il y aura aussi les excellents Spaghetti Orgasmonde et leur variété punk qui fait bien plaisir, ça sera au Rock Reel évidemment à partir de 20h et pour 10€ l'entrée vendredi 2 août à Lens, à Orgé-Houblon, il devrait y avoir Guérilla Poubelle. Et puis sinon, à Cambrai, au Garage Café, il y aura un concert dernière minute avec deux groupes Power Violence tout à fait pétardants, Travolta et Cheswick, qu'on avait reçu ici au mois de janvier dernier. Le Garage Café, c'est 4 rue de Primy à Cambrai, ça sera à partir de 20h et le prix sera libre, c'est organisé par We're Not Worthy. Samedi 3 août à Ypres, Wortonville, il y aura I Am Slayer, c'est un mec tout seul qui fait des covers de Slayer à la basse et à la voix. Et puis il y aura aussi Death Fury qui font du trash death. Ça sera à partir de 21h pour 7€ l'entrée. Dimanche 4 août à Courtrai au Pit, il y aura Eric Nervous. C'est de la punk wave qui vient des USA. Il y aura aussi Citric Dummies. C'est aussi des Américains. Ils font de leg punk. Ça sera à partir de 18h30. Et puis toujours dimanche 4 août à Neyland à côté de Anvers, il y aura Coffin du hard rock and roll à l'australienne avec Mitraille, le garage punk que j'ai évoqué tout à l'heure, ça sera au JH Krunkel à Neyland, N-I-J-L-E-N à côté d'Anvers à partir de 19h pour une entrée gratuite organisée par This Shit Town. Lundi 5 août à Bruxelles, au Tchaf, il y aura Eric Nervous et Citric Dummies qui seront passés donc dimanche au Pits. Ça sera à partir de 19h pour une entrée gratuite. Et puis mardi 6 août, les mêmes Eric Nervous et Citric Dummies seront avec Delivery du Garage Punk de Melbourne à Antwerp Music City à partir de 20h. Et puis on termine avec mercredi 7 août prochain. Non seulement il y aura Pyongyang City Rockers pour son numéro 349, mais aussi Agora Ramcroix près de Tournai, Los Fastidios et en ouverture Les Enfants Perdus au bout de nos rêves à partir de 19h pour 10€ l'entrée. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, et puisque c'est tout ce qu'on aura à se mettre sous la dent pour la semaine qui arrive, j'en ai peut-être oublié, mais ça m'étonnerait. Vous pouvez toujours vous renseigner plus avant dans les jours qui arrivent sur spunk.org. C'est fou. Eh bien, donc, on va passer à un peu de zizik. Premièrement, Nasty Rumors avec Get My Kicks from 76. Ensuite, Joe Lunado qui va faire Good Times. Ensuite, il y aura Travolta et Cheswick. Travolta avec Burn the Notre Dame. Et Cheswick avec un titre non signalé, mais qu'ils ont joué ici dans les studios de Radio Campus le 26 janvier dernier. Pour l'instant, Nasty Rumors. reason we never, you know, were involved in the church burning, because if you burn a church, the government builds it up again, and the government takes our money to build it up. So. Salut, on s'appelle Chess Week. Merci à Marteau pour l'invite. Merci à Campus. Merci à Pyongyang City Rockers aussi pour l'invite surtout. Oui, ça criait bien cette fois-là dans le studio. Des survivants maintenant, un groupe fondé en 1979 à Mönchengladbach en Allemagne, à l'époque RFA, enfin c'est toujours la RFA d'ailleurs, il y a juste eu un Anschluss entre les deux, EA80 et EA Artsich en allemand, avec un nom aussi peu expressif et une politique de communication quasi inexistante, je vous explique. Entre autres, ils répondent à très peu d'interviews et uniquement à condition que leurs propos ne soient pas cités directement. Ils ne font de pub pour leurs concerts que via des flyers distribués localement. Il n'y a pas de merch, il n'y a pas de matériel promo. Bref, malgré toutes ces embûches recherchées par eux-mêmes, ils remplissent tous leurs concerts, quelle que soit la taille de la salle, et ils n'ont jamais arrêté de jouer depuis 79. C'est quand même une belle performance. Les voici avec un son qui fleure bon le tournant des années 80-90, même si c'est sorti une dizaine d'années après, en 1998. Le titre, c'est Zofakissen, à l'attention des coussins de Kamanapé, que nous sommes tous devenus. Nous obtenons ce que nous sommes censés obtenir, des petits drames stupides, 15 millisecondes de gloire, un générique de fin sans nom. À la télévision, tout est discuté si ça peut faire un sujet, un sentiment de vide qu'on ne peut plus remplir, car la vraie nourriture est devenue rare, les flashs de l'actualité l'ont tué. Mais il n'y a pas de tristesse. Certes, les sentiments sont exploités, mais toujours interrompus par la publicité. Et là, tout est propre, ou devient propre, ou même pur. Et là, tout est court, beaucoup trop court, jamais réel, toujours d'apparence. Pendant des heures, la jeunesse se tait parce qu'il n'y a rien à dire. On lit leur choix de drogue sur un écran en télétexte, et le matin au réveil, cette mode est déjà passée, car tout n'est que répétition. La vie est un slogan sur un t-shirt, un mot de passe vers un monde auquel personne n'appartient plus, un générique de fin sans aucun nom dessus. Comment te sens-tu face à ta mort? EA80 et EA Artsich avec Zofakissen. c'est juste une carpette. Mais c'est insupportable. Gros raso, si t'es pas un milliardaire et que t'aimes pas les nazis, ne trompe pas de camp mon frère, où l'aurait est ton ennemi. Un peu plus de milliardaires et leur télé à la con. On veut pouvoir prendre l'air, front populaire. Voilà, ce petit message de propagande vous était offert par Pyongyang City Rockers à l'antenne de Radio Campus 106,6. Il est 20h22 minutes presque. Oui, le message c'était 2080 qui faisait Bolloré est ton ennemi. Ça suivait bien, je trouve, dans le dans la thématique avec Zofé Kisson de EA80. Maintenant, une petite séance Pyongyang rattrapage avec TVOD que j'avais prévu de passer il y a fort longtemps. Mais voilà, quand t'as qu'une heure par semaine, bah, chez Nindoné, il et elle étaient passés dans le coin il y a 3 mois à peu près, selon le circuit habituel. Pizza Courtrai, Tchaf à Bruxelles, Cabron à Anvers. C'est l'avant-garde punk, post-punk de Brooklyn, enfin à New York. J'ai donc nommé Television Overdose, TVOD en abrégé. Les voici avec une ode à la gloire de l'insecte géant qui hante les rues de New York à la nuit tombée. La mante religieuse, Mantis en anglais, Mantis par TVOD. TVOD Mantis sur Campus 106,6, c'est l'émission Pyongyang City Rockers, numéro 400... On est à combien là? Non, 348. Pff, n'importe quoi. Eh bien, partons maintenant, sans plus tarder, dans la belle ville de Rennes, car issus des bas-fonds rock, punk et soul de cette belle ville, voici Vercassé avec leur chanteuse à la chaude voix soul. Vercassé, quatuor sans batterie, remplacé par des percus ouest-africaines, frappées par nul autre que le célèbre Vincent de chez Mass Production. Salut. Une démo sortie fin 2023, un album actuellement en préparation, et si vous voulez les voir dans pas longtemps, faudra pousser ce vendredi 2 août jusqu'à Caen, Calvados, quand même pas loin de 400 km de Lille. Hein. En tout cas, là, elle et ils vont jouer en compagnie de Mohican, Fallen Angels et les vieux de la vieille Gonocox. Et ben dis donc, voici un extrait de leur démo pour l'affirmation de soi contre tous les copiages et pour que tous expriment leur personnalité et leur originalité. Je suis moi et vous êtes vous. Voici Vercassé. I between moi, vous et vous. Clothes all red, all of her skin is black, he shows a certain lack. We'll save him from being a man, not me. À l'instant, c'était Monochrome 7 avec His Frank. Et juste avant, c'était Vert Cassé avec Je suis moi et vous êtes vous. Vous êtes bien à l'écoute de Pyongyang City Rockers. Et c'est bien Radio Campus que vous écoutez actuellement. Eh bien, point sur la situation à Gaza, puisque au moins administrativement, voire diplomatiquement, la bande de Gaza existe encore. Déjà avec au minimum 1,5 million de personnes survivant dans des camps de toile, 80% des bâtiments du territoire seraient endommagés ou détruits. Le manque d'eau chronique ne suffit pas et des soldats de l'armée israélienne se sont filmés récemment, hier je crois, en train de détruire un des derniers réservoirs d'eau de Rafah à la frontière égyptienne. Sinon, discussion au Parlement israélien, retransmise à la télévision, où un député s'indigne quand même. Est-ce que insérer un bâton dans le rectum d'une personne, c'est légitime? Réponse hurlée par le député du Likoud, Hanor Milvitsky. Oui, tout est légitime, on peut tout leur faire. Cette discussion parlementaire avait lieu suite à la mise au jour de tortures sur des prisonniers palestiniens, électrochocs, viols, obligation de s'asseoir sur des objets pointus pendant les interrogatoires, révélation à la suite desquelles une manifestation fasciste, y compris des élus et des ministres, avait envahi le camp d'internement dont on parlait donc, pour soutenir les tortionnaires, créant de ce fait une bataille rangée contre les flics présents. Comme quoi, à CAB, c'est pas toujours ça. Hein. Bref, info tirée de diverses dépêches AFP, du site web de France Info quand même, et puis surtout de contre-attaque.net, contre-attaque.net, qui font à peu près tous les jours des points comme ça sur ce qui se passe actuellement à Gaza et aussi en Cisjordanie, vu que la guerre s'étend là-bas, en attendant peut-être que ça s'étende encore plus loin. Bref, à suivre, voici Genocide SS avec Blood Red City Streets. We'll be right back. It's just the same shit all over again. Flying saucers arise and suicide in disguise. Get ready for the starting gun. Banjo has begun. Oh, won't you give me some more? Fast, I might skip town. Need to get out, need to slow down. Might just be another like giving to the eternal urge to fly. Make it all and forget we gone, then we get more. Oh, won't you give me some more? C'était la Crankwave venue d'Anvers, Brackwater avec Action Reaction. Vous écoutez Pyongyang City Rockers sur Radio Campus 106,6 jusqu'à 21h. Et là, pour l'instant, il est 20h43. Et qu'est-ce que je devais vous dire, moi ? Eh bien, je ne sais plus. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, les faibles et les qui sont pas faibles. Et ben là, en voici qui sont lillois, agressifs à souhait, lourds comme il faut, mais attention, pas faibles. Significant Damage avec Weak Like You. Yeah. au moment où on pleurait le décès de Gary Floyd, vous savez le mec des Dix là, qui est décédé le 30 avril dernier, j'avais promis de passer un titre de son groupe Sister Double Happiness. Et bien donc voici Get Drunk and Die par Gary Floyd et Sister Double Happiness. Voilà, ça passe tout seul, hein, Gary Floyd de Sister Double Happiness. Maintenant, l'histoire de Strummer, tout content d'aller, Joe Strummer, vous savez, tout content d'aller voir un gros concert reggae avec des Anglais, Ken Booth et des Jamaïcains, Dillinger, Delroy Wilson. Ça se passe à la Hammersmith Palais, un jour de 77. Alors déjà, surprise, il est le seul blanc dans le public, d'où le titre White Man in Hammersmith Palais. Et puis surtout, grosse déconvenue, car il croyait venir assister à un concert plein de revendications et de texte un peu politique. Bah non, c'est juste show business, grand format, bien lisse, bien cadré. Et ouais, Joe, des fois, faut juste sortir pour prendre du bon temps. Voici donc Clash avec une version alternative de White Man in Hammersmith Palais. Yeah. Eh ouais, alors, vous avez pu entendre successivement Clash avec White Man in Hammersmith Palais. Et puisque cette chanson commençait par les paroles Midnight to Six Men, eh ben, c'était juste après les Pretty Things qui faisaient leur titre Midnight to Six Men, qui date de 66. Les Pretty Things, un des groupes les plus sous-cotés des années 60. Mais heureusement, Joe Strummer, lui, connaissait son British Beat sur le bout des doigts et collé parfois quelques petits hommages comme ça à qui savait bien les écouter. Et bien maintenant, je ne sais pas ce que vous allez écouter. Et bien si, c'est Epic qui sont, paraît-il, selon leurs propres termes, plus rock que Baba Touré et plus tribaux que Shellac. Voici Epic, E-P-I-Q, avec Pas Bravo la Viande. Allez, il est temps de rendre l'antenne. Pyongyang City Rockers numéro 348, c'est terminé. Restez à l'écoute de Radio Campus 106,6, etc., etc. Il y a encore plein d'émissions qui continuent pendant les vacances. Et ouais, c'est fou. Dans quelques minutes, ça sera le tour de Teeth Grinder avec Jean Damien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 349 de Pyongyang City Rockers. Au revoir.